dans cet immense amphithéâtre. Moi, ça me rappelle ces chaises-là quand j'étais à la cour d'Henri. Hein? C'est là que tu as rencontré M. Guillotine? Non, j'ai connu avant. Je me dis que c'est dangereux, son invention. Il est mort guillotiné. Ouais, c'est pas quand on perd la tête avec une petite invention. Allez, ce soir, on est supposé, je sais pas si la conférence n'est pas finie, on va voir après, d'apprendre comment développer ou laisser s'exprimer le Dieu qui est en nous. Pour ceux qui ont un Dieu en eux. Oui. Alors, je vais plutôt m'adresser à la salle. Oh. Moi, c'est comment laisser libérer le démon qui est caché à moi. Ben, c'est ce que ta femme m'a dit en entrant. Ça, je l'ai appris. Tu as souvent dit que les dieux, c'était finalement des égrégores qui étaient dans l'astral et puis que c'était pas nécessairement ce qu'il y avait de mieux à utiliser ou à se servir d'eux. On était mieux de se servir de d'autres choses que de ça. Non, on peut se servir des divinités astrales, mais ce qui est dangereux, c'est quand on est asservi par elles. Donc, quand on les sert. On peut s'en servir sans les servir? Il n'y a pas d'échange absolu ou obligatoire? Non. Pas l'homme. L'homme n'est pas assujetti à ce genre de choses. Lorsque l'homme, la femme ou l'enfant parvient à un degré de conscience suffisamment supplémental, c'est-à-dire lorsque l'humain est centré dans son intelligence. Autrement dit, lorsque le Dieu caché dans l'homme, dans la femme et dans l'enfant est libéré. C'est plus nécessaire de vivre des échanges d'énergie. On pourra considérer, et c'est cosmiquement vrai, que lorsque un être humain est né, on ne parle pas de l'animal humain, on ne parle pas de l'humain, on parle de l'être humain. Lorsque l'être humain est né, donc lorsqu'il est centré sur lui-même, lorsque le Dieu intérieur de l'humain est maintenant épanoui, le seul fait de travailler avec lui est déjà un échange d'énergie. Donc, tu n'as pas besoin de remettre, tu n'es plus assujetti au karma non plus. Le seul fait de te côtoyer, si par exemple tu parviendrais à rayonner suffisamment, le seul fait de te côtoyer serait pour moi un échange d'énergie suffisant. Donc, je pourrais te servir sans attendre quoi que ce soit en retour de ta part, parce que je l'aurais déjà. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que c'est l'inverse, c'est que le Dieu... Juste dit que quand je le servirais, puis déjà là, c'est tout, vous avez vu? Ouais. Je suis pas habitué de me faire dire ça pour toi. Pour d'autres, oui, mais toi, non. Je n'ai même pas nommé qui, puis tout le monde le sait. Pas grave, elle écoute les cassettes après, puis okay. Du chicane de famille. Bon. Donc, si on revenait au Dieu. C'est ça, si on revenait au Dieu, ça serait moins dangereux. Le fait d'utiliser un Dieu, est-ce qu'on peut dire que le Dieu, lui, nous est assez. Alors, il faudrait définir Dieu. C'est quoi? J'ai dit souvent que Dieu était justement un égrégore. Il faudrait savoir ce que c'est qu'un égrégore. Et j'ai aussi souvent dit que Dieu est un concept. Alors, si on parle de Dieu qui est un concept, ça veut dire que Dieu est un mot qui désigne pour nous quelque chose. Si on parle du Dieu qui est un égrégore, alors on parlera d'un Dieu qui, pour nous, est un créateur d'âmes et qui est un asservisseur, c'est-à-dire que c'est un phénomène mémoriel créé par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, qui rend l'homme esclave et qui domine la conscience de l'homme. Alors, si on prend l'exemple des divinités que la majorité des humains vont prier, un Dieu n'a pas besoin d'être couvert d'or, sauf s'il est laid. Donc, un Dieu n'a pas besoin d'être adoré. Un Dieu n'a pas besoin non plus qu'on lui fasse des offrandes. C'est pourtant ce qu'on a appris à faire, ben pas nous autres. Oui. Mais là, il faut encore comprendre le principe des dieux égrégoriens, c'est-à-dire des mécaniques qui manipulent l'humain depuis que l'humain a une conscience amique, donc astrale. Et ce sont des dieux qui ont été créés et renforcés par la nourriture que l'homme leur donne, la peur, l'amour, la crainte, l'émotion et les guerres divines. Alors, si on regarde simplement les dieux qui disaient aux humains à l'époque, pour me calmer, vous devez me faire des offrandes humaines. Alors, les peuples devaient offrir aux dieux les plus beaux de leurs enfants. Et c'est tout à fait logique si on est une mécanique qui a comme fonction d'assujettir l'humain. Parce qu'en tuant les plus beaux de nos enfants, on éliminait de la surface de la planète les meilleurs génétiques, ce qui conservait des races relativement taries et qui grossissaient lentement. On demandait aussi les meilleurs agneaux, les meilleurs bœufs, les meilleurs chèvres, tout ce qui est mieux. En éliminant cela, et on parlait évidemment d'enfants purs, c'est-à-dire qui ne sont pas encore en âge de procréer, donc ils n'ont pas pu disséminer leur génétique, et avec les animaux, on faisait la même chose. Le meilleur blé, le meilleur de tout, pour que reste dans les mains de l'homme et que l'homme reste avec une génétique relativement tarie, ce qui bloquait l'évolution de l'humanité. Ces dieux-là ont finalement, parce que l'humain est devenu plus puissant que la peur qu'il avait des dieux, lentement l'humain a cessé de faire les offrandes humaines. Mais il a continué quand même à offrir ce qu'il y avait de mieux dans ce qu'il servait. C'est un peu comme si vous plantez du blé dans une période de récession, ce qui n'arrive près jamais. Au Canada, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas au Canada. C'est ce que le ministre des Finances, tu as dit. Exactement. Il est riche, lui. Mais il n'a pas changé de soulier cette année, en tout cas. Alors, on doit savoir que si on plante, on a du blé. Et ce que nous faisons, nous mangeons le meilleur blé et nous replantons le reste des grains. Donc, à chaque récolte, on trie le blé et le meilleur blé, on le garde pour nous. Puis on replante le reste. On fonctionne comme les dieux. Et c'est ce qui est arrivé progressivement, c'est que les dieux se sont nourris avec des mécaniques qui, lentement, en prenant ce qu'il y avait de mieux chez l'homme et de mieux dans ce qui servait l'homme, ils se sont alimentés d'une façon très grasse. Et progressivement, en faisant cela, ils ont tellement tari l'humain que progressivement, d'année en année ou de génération en génération, leur nourriture était de moins en moins bonne qualité. Alors, de ce fait, il y a des dieux du passé qui sont morts, qui ont disparu et qui ont été supplantés par de nouveaux dieux qui commencent à naître. Et c'est une roue. Notre meilleur blé, les meilleurs grains, on en fait du pain et on les mange. On est bien nourri. L'année d'après, vu qu'on a planté les moins bons grains, la récolte est moins bonne. Et à travers cela, on mange encore ce qu'il y a de mieux. Et l'année d'après, vu qu'on a encore planté les moins bons, la récolte est encore moins bonne. Alors qu'on devrait toujours manger ce qu'il y a de moins bon et planter ce qu'il y a de mieux. Nécessairement, là, on irait en croissance. On aurait une croissance énergétique. Si on fait l'inverse, on va en décroissance, on va en récession. Récession, c'est sur tous les plans. Donc, on a ces dieux qui ont obligé l'humain à tout perdre. Et vous avez de l'argent, donnez-le à Dieu. L'argent, c'est un symbole, mais l'argent, c'est une mécanique qui permet à l'humain de gagner du temps. Quand on a de la matière, on ne parle pas de l'argent en termes de valeur émotive. Quand on a de la matière, quand on est capable, par exemple, de ne pas passer nos journées à aller à la chasse, à tanner nos peaux, à cultiver, à récolter, à faire tout ça, eh bien, on a du temps. Le temps, c'est... Bon, c'est une illusion. Dans le contexte humain, c'est un concept applicable. Le temps, c'est l'une des clés de l'évolution de l'homme, de la femme ou de l'enfant. Donc, on doit avoir une liberté matérielle, parce que sinon, égoïquement, les dieux auront peur, nous aurons peur. Et, en plus, on doit avoir une liberté matérielle pour être capable de s'acheter du temps. Les dieux ont toujours dit à l'humain, les dieux assujettisseurs ont toujours dit à l'humain, écoute, si vous souffrez énormément, si vous êtes des martyrs, si vous êtes pauvres, si vous n'avez rien, si vous crevez de faim, quand vous serez mort, dans le ciel, alors là, vous aurez tout ce qu'il faut. Ce sont des politiciens, les dieux. Et si on constate, ben effectivement, c'est pas tellement mieux, puis les individus, de toute façon, réincarnationnellement parlant, il y en a pour qui la réincarnation, ça reste encore une théorie. Pour d'autres, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, parce qu'ils se rappellent, ils peuvent même cheminer à travers leur vie antérieure pour aller régler des choses. Ça n'améliore pas. Dans le monde de la mort, dans le ciel, il n'y a rien d'autre que ce que la mémoire planétaire a su mémoriser. Autrement dit, lorsque l'on meurt, on a exactement la même vie que sur la Terre, sans la souffrance. On dit qu'on a, avec des dieux comme ça, on nous a fait vivre l'enfer de notre vivant. Mais c'est ce qu'on fait. On n'a pas de temps, pas de santé, pas d'argent. Alors, on peut dire qu'on s'est enfermé dans le ciel. Okay. Voilà. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Quand on parle du concept de Dieu, c'est autre chose. Quand on dit, par exemple, Dieu créa l'homme et la femme parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il n'y a pas un créateur qui crée pour rien. Ben non, il y avait une raison de le monnayer, il y avait quelque chose qui devait se passer. Quand on parle du concept de Dieu, c'est autre chose. Un être humain qui doit prendre son temps ou monter des marches d'oratoire à genoux, qui doit souffrir ou qui doit donner, ou encore, je veux que mon fils ou ma fille guérisse de sa leucémie, quitte à ce que je perde la vue. L'enfant va probablement guérir. Et le parent va probablement perdre la vue. Dieu accepte ce genre de contrat. Ça s'est vu fréquemment et ça se fait. Quand on parle du concept de Mais Dieu... Mais c'est ce que la personne voulait quand elle l'a demandé. Peut-être pas consciente ou d'être manipulée. Non, c'est ce que Dieu voulait. Qui voulait ça? C'est des manipulations? Mm-hmm. Quand je bois, faut-tu continuer à parler? OK. Ben là, tu bois plus. Mais non, c'est ça. C'est ce que Dieu veut, c'est-à-dire que Dieu, on parle de l'égrégore, se nourrit de la souffrance humaine, se nourrit de l'émotivité humaine, pour être précis. Donc, si l'humain est heureux, il est content, Dieu se nourrit. Quand l'humain est habitué à être heureux, il sécrète moins, il exprime moins d'émotivité, Dieu se nourrit moins, alors on le monte ou on le baisse. C'est plus rentable énergétiquement que de baisser quelqu'un, et alors on prend du bonheur, de la matière, de l'argent, des choses sur la planète Terre, puis on les transfère simplement d'individu en individu. Bon, alors quand tout le monde a acheté des billets de loterie, tout le monde vient de dépenser $1 million, et là, subitement, quelqu'un d'autre le gagne. Alors, on a des petites déceptions qui, cumulées ensemble, valent une bonne déception, puis on a une personne qui est super joyeuse, super heureuse, ça nourrit le monde de la mort. Les dieux sont heureux. Les dieux sont heureux quand on pense à eux, quand on les aime, quand on les craint, puis quand on les sert. Maintenant, ce qu'on doit comprendre au niveau du concept de Dieu, c'est autre chose. Et c'est pourquoi l'humain s'est fait, l'humain est tombé dans le piège de la divinité et de l'adoration, qui va engendrer chez la majorité des personnes qui évoluent de la médiocratie, une vision médiocre d'eux-mêmes. Ah, la personne peut se dire, non, moi, je ne suis pas médiocre, moi, je suis bien meilleur que tout le monde. Oui, mais es-tu meilleur que Dieu? Ah, ben voilà, vision médiocre tout le temps. L'homme, la femme, se limite dans la conception qu'il a de lui-même ou qu'elle a d'elle-même. Elle se limite toujours en fonction, apparemment, d'une frustration divine. Es-tu capable d'envoyer aux toilettes ton Dieu? Celui qui n'est pas capable, soit qu'il ait raison, il ne doit pas le faire, parce que son bon Dieu va sortir la courroie et va venir le frapper. Mais dans ce cas-là, il s'est trompé de Dieu. Mais il a raison, le Dieu qui le domine est un Dieu dangereux. Sinon, l'individu peut le faire. Un être divin, c'est, en termes de concept, quelque chose de supérieur à l'être humain. De ce fait, Zeus, l'un des plus grands dieux, était jaloux, se battait avec les autres dieux, et il y a toujours eu des chicanes dans le ciel. Aujourd'hui, on adore différents saints, c'est une hiérarchie comme on avait à l'époque, saints et saintes. Il y a des problématiques aussi là-dedans. Quand on regarde simplement la Vierge Marie qui apparaît à un moment donné à Fatima pour venir dire à l'humain, qu'est-ce qu'elle vient dire la Vierge? Elle vient dire, vous devez vous repentir et vous devez prier plus. Bâtissez un hôtel sur l'endroit où je suis apparu et venez sans arrêt, peut-être qu'on évitera les guerres. Elle dit à l'humain, venez nourrir l'égrégore, repentez-vous, venez prier et bâtissez un hôtel. Occupez-vous de moi, merde. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on a un égrégore qui apparaît, c'est Notre-Dame de Lourdes. C'est plus à Fatima. Avons-nous deux Vierges Marie? Alors, les deux viennent demander des choses différentes, les deux portent des noms différents et demandent tactiquement la même chose. Repentez-vous, venez me prier et bâtissez un hôtel. Alors, si on va prier, par exemple, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, puis il y en a plusieurs apparitions comme ça, à quelle Vierge on se dévoue? Ah ben c'est la mère de Dieu, la mère de Jésus. Alors à quel Jésus? Parce qu'on est vraiment plus, on parle plus aux mêmes choses. Ils ont des noms différents, ils ont des formes différentes, on a même une Vierge noire, etc. C'est tout est dans la même religion. Ce sont des égrégores qui viennent simplement stimuler l'humain, le punir, se servir de sa médiocratie pour le contrôler. Est-ce qu'il y a des sous-égrégores à l'égrégore principal, disons? Il y a des égrégores sous, en tout cas. Oui. Disons qu'il y a un égrégore principal catholique, puis en dessous de ça, tu as un paquet de sous-égrégores de tous les saints. Absolument. Puis chacun de ces sous-égrégores-là veut lui-même continuer à vivre, comme dans l'exemple que tu donnes, les deux apparitions sont deux. Quand Joseph en a eu ras-le-bol, on parle de l'égrégore de Joseph qui en a eu ras-le-bol de voir tout le monde adorer Marie, il est allé manipuler un bonhomme, parce qu'on rebaptise toujours quand on change de hiérarchie religieuse. Alors, on l'avait baptisé Frère André, qui n'est pas son vrai nom. Alfred Bessette. Alors, on l'a baptisé Frère André, et par la suite, Joseph va le manipuler, c'est-à-dire qu'il va le rendre malade, on en fait un martyr, parce que dans la chrétienté, il faut être martyr, donc il faut souffrir. Là, tu nourris Dieu, Dieu t'aime bien. Et il a guéri des gens, en étant toujours malade, et ça l'a fini par créer tout le contexte de Joseph, l'oratoire Saint-Joseph et tout ça au complet, et ça nourrit l'égrégore de Joseph. Il y a donc des guerres même dans ces contextes-là. Pourquoi Dieu ne s'occupe pas de tout le monde? Alors, il faut un patron des malades, un patron des travailleurs, un patron... Dieu s'en occupe pas de ceux-là? Apparemment pas. Alors, on fait des patrons avec les saints. Donc, des petites divinités à travers les grandes religions. Et il y a des personnes qui sont extrêmement croyantes, qui sont pratiquantes et qui n'adorent qu'un seul Dieu, Saint-Joseph. Ouais. D'autres, ça va être Sainte-Thérèse, d'autres, etc. Ils ont les icônes, pas de Dieu, les icônes de ces personnages-là. Dans une religion où tu ne feras pas d'images écrites ou dessinées, des choses du ciel ou de la terre. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a le phénomène égrégorien divin que l'humain souvent a essayé d'aller chercher. Pourquoi ça ne répond pas? Parce qu'on n'en connaît pas les lois, on n'en connaît pas la mécanique et on ne sait pas comment c'est créé. Les dieux du monde de la mort, donc du ciel, effectivement ont créé vos âmes. Vous, en tant qu'intelligence, vous savez créer ces dieux-là. L'intelligence descend dans un corps physique et le fait sauter. Alors, l'intelligence crée un contexte atténuateur, très atténué, un ajusteur, qui est un contexte mémoriel d'expérience, et ça prend des milliards d'années à se créer dans un contexte temporel. Et progressivement, la mémoire de votre intelligence va devenir les dieux. Et la mémoire de l'intelligence des dieux ou la mémoire de la mémoire de notre intelligence va devenir les âmes. Alors nécessairement, l'âme est tributaire des dieux, mais Dieu est tributaire de l'homme. Je parle de l'homme avec un grand H, de l'intelligence. Et quand, si on dit comment, par exemple, faire naître le Dieu caché chez soi, ce n'est pas aller chercher des pouvoirs. Ce n'est pas marcher sur l'eau ou multiplier le pain. Il y en a qui multiplieraient le vin plutôt, en tout cas. Bon, surtout quand il y a des problèmes avec la SAQ. Bon, quand t'es à sac, tu sais. Quand on parle du Dieu intérieur, oui, dernièrement, il y a quelqu'un qui, un journaliste qui posait la question comme ça à cause de la grève de la SAQ. Il demandait à une personne sur la rue, que pensez-vous du fait qu'on va peut-être manquer d'alcool pendant les fêtes? Puis l'autre a répondu, comment, y a-t-il un problème avec Jean Coutu? Prenez l'alcool à friction, en tout cas, bon. L'être humain, quand on parle du concept de Dieu, on parle d'un souvenir que l'homme, la femme et l'enfant a, d'une mécanique qui n'est pas explicable par l'homme, ce qui va nous faire dire traditionnellement que les voies de Dieu sont impénétrables, par l'âme, oui, par la mémoire. On ne peut pas connaître Dieu ou l'énergie christique, l'intelligence supramentale, à partir de la mémoire. Si l'ego veut pénétrer l'instantanéité, la spontanéité, les voies de Dieu resteront impénétrables. Donc, seuls auront accès aux voies de Dieu ceux qui seront capables d'être spontanés, d'être instantanés. Être instantané veut dire avoir un contact avec l'intelligence de Dieu. Donc, avoir un contact avec l'intelligence, si on veut la purger du mot Dieu, uniquement pour faire une différenciation avec les dieux qu'on adore et qu'on prie, ou que l'humanité prie. Et si on veut avoir un contact avec l'intelligence tout court, on doit être capable d'être dans la longueur d'onde ou dans le créneau d'expression d'intelligence, qui est l'instantanéité. En termes québécois, on appelle l'intelligence l'énergie supramentale. Pour la simple raison que c'est Aurobindo qui a amené ça en premier, qui est un bonhomme qui a vécu près de Pondichéry aux Indes. Krishnamurti en parle à peine et c'est revenu à un moment donné ici au niveau du Québec. On parlera alchimiquement d'énergie christique qui théologiquement porte le nom d'Esprit Saint, qui est un esprit pur non coloré par l'âme, donc la mémoire humaine. Si Dieu crée ton âme et que lorsque le Nazaréen parle de l'Esprit Saint, il parle de quelque chose où l'âme n'est pas à l'intérieur, où il n'y a pas de mémoire, ça veut dire que ce que Dieu a créé n'est pas l'outil pour le rejoindre. Ou bien, le Dieu qui a créé l'âme n'est pas la partie à rejoindre. Avec l'âme, on peut rejoindre Dieu. Le Dieu est grégorien. Avec vos âmes, vous êtes capable de souffrir, d'être martyr, de regretter, de vous repentir, d'être heureux, de demander pardon, de pardonner. Vous pouvez communiquer avec les dieux du monde de la mort. Avec votre âme, lorsque vous essayez de comprendre pourquoi ça se passe, pourquoi vous avez un œil qui fonctionne moins bien, pourquoi vous avez un problème rénal, pourquoi vous avez perdu quelqu'un? Pourquoi vous ne comprenez pas tout? Pourquoi vous êtes sur la terre? Avec votre âme, vous ne pourrez jamais comprendre. Parce que le Dieu avec lequel on se relie avec l'âme ne le sait pas. On peut avoir un paquet de réponses, par exemple, qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Des réponses qui vont être toujours en fonction de la tradition. Des réponses qui ne sont que mémorielles. Parce que Dieu, le Dieu grégorien, le Dieu qui a engendré nos âmes, est un réceptacle de mémoire. De ce fait, Dieu a évolué au même rythme que l'humain parce que l'expérience de l'homme, de la femme et de l'enfant donnait de l'expérience à Dieu. Les dieux de colère et de vengeance du passé sont devenus des dieux de pardon et de justice quand l'homme a commencé à appliquer ça. L'intelligence, le vrai phénomène divin, lorsqu'il s'exprime chez l'humain, il crée de l'expérience pour les dieux mémoriels, les dieux du monde de la mort, qui eux vont par la suite instruire ton âme de ce que tu devras faire. Alors, à un moment donné, vous avez comme conscience intelligente l'idée que ce n'est pas correct de battre quelqu'un. Mais en même temps, on a toujours battu quelqu'un. Quelqu'un qui volait, on lui crevait un œil. C'était comme ça. Puis subitement, vous trouvez que c'est pas correct. Mais vous continuez à le faire, vous ne protestez pas. Pourquoi? Le Dieu en vous, l'intelligence supramentale, l'intelligence christique, l'intelligence tout court, descend et vous fait voir une nouvelle chose. Un ajustement vers l'esthétisme, vers la divinité. Sauf que vous devez l'exprimer pour instruire les dieux du monde de la mort, qui eux, par la suite, vont venir instruire vos âmes. Et c'est l'âme qui contrôle l'homme présentement. Alors, si l'âme est instruite en retour, elle va maintenant vous autoriser à changer la tradition. L'âme est un vecteur traditionnel, c'est un vecteur mémoriel. Autrement dit, moi, je bats mes enfants à coups de bâton quand ils font des conneries. Subitement, j'ai comme l'impression que c'est pas ça que je devrais faire. C'est de l'intelligence. Mais je continue à les battre parce que chaque fois, je me dis non, c'est pas ça. Mais pourquoi ça? On a toujours fait ça. Puis moi, je me suis fait battre. Moi, je suis quand même correct. Paf, paf. Mais à un moment donné, si on est des millions, sinon des milliards, à penser que c'est pas correct, progressivement, on va instruire le Dieu qui, lui, manipule mon âme, qui me rend coupable de ne pas battre. Et progressivement, je vais... Je ne souffrirai plus trop de ne pas le battre. Mon âme commence à être avertie par le Dieu astral que j'ai informé par le contact avec mon intelligence que c'est correct de ne pas le battre. Fait que c'est donc les premiers qui font un nouveau mouvement ou une nouvelle façon de voir des choses qui en souffrent le plus, dans le sens qu'ils sont déchirés entre si je le fais ou je le fais pas. C'est pourquoi on parle souvent du bulldozer. Le premier qui passe, c'est un bulldozer qui ouvre le chemin. Mais le chemin est mal ouvert, mais il est déjà grosso modo ouvert. Ceux qui passent par la suite souffrent beaucoup moins. Puis finalement, ben tous ceux qui arrivent en arrière, l'autoroute est complètement faite, les gens ne souffrent plus. Les premiers qui amènent du neuf. Bon, on parle simplement des premières femmes qui ont commencé à être manipulées par l'idée qu'elles devraient peut-être être autre chose que simplement une machine à laver. On peut laver du linge. Techniquement, ça se fait. L'homme, la femme, l'enfant peut le faire, ça va, ou une machine. Mais l'idée d'être vu comme ça. Parce qu'au départ, par exemple, quand ils ont mis deux femmes dans la navette spatiale, c'était uniquement parce que c'était moins pesant qu'une laveuse à vaisselle. Bon, ça, tout le monde le sait. Les premières femmes envoyées dans l'espace. Mais progressivement, là, bon... Prends pas de courant. Mais d'ailleurs, la navette qui est allée exploser, on a trouvé une base, hein? Il y avait une femme, un professeur là-dedans. Puis tout ce qui était sur la base, c'était écrit « Eh non, maudite folle, pèse pas ce bouton-là! » C'est la dernière enregistrement qu'ils ont trouvé. Bon. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est quand la femme commence à découvrir subitement qu'elle est un être humain, il y a des femmes qui veulent être légales de l'homme. Impossible. Parce que l'homme n'est même pas légal entre lui-même. Donc, imaginez bien, une femme est légale de l'homme, il faudrait qu'elle soit légale de tous les hommes. Ce n'est pas ça l'idée. L'homme ne doit pas être légal de personne, doit être lui. La femme doit être centrée dans son intelligence. Elle en a la même chose que l'homme. Ça ne change rien. Au niveau de l'expression planétaire, c'est différent chez la femme à cause de son système endocrinien et c'est différent chez l'homme. Lequel est le mieux nanti pour avoir un contact avec l'esprit? Ça dépend de l'humain. Ça ne dépend pas du sexe, ça ne dépend pas du corps et ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de l'humain. Donc de l'être, de ses caractéristiques en tant qu'être ascendant, en tant qu'être évolutif. Alors, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que la femme, elle a l'impression subitement que c'est plus ça. Alors, à un moment donné, elle va dire à son mari, écoute, ton pâté chinois, là, traditionnel, tous les vendredis, je l'ai pas fait. Là, mange une volée. Le gars, lui, il peut être en beau maudit. La femme, elle va, le vendredi d'après, elle va y faire son pâté chinois. Mais en même temps, elle commence à avoir une souffrance, une allergie intérieure qui, c'est pas ça. Mais la tradition, son âme, la culpabilité, je suis pas une bonne femme, je suis pas une bonne maîtresse de maison, je fais pas mon devoir conjugal. Ça, c'est la tradition. Puis en même temps, elle souffre. Alors, elle donne son corps à son mari, par exemple, tous les jours, son devoir conjugal. Puis en même temps, elle est de plus en plus malheureuse. Mais si elle ne le fait pas, elle est super malheureuse. L'intelligence commence à la former, donc à l'informer, la former par l'intérieur. Elle commence à l'informer. Elle commence à l'exprimer, à le rayonner. Et ça doit informer le Dieu qui a créé son âme. Et quand le Dieu aura muté, aura fini par accepter. Pendant longtemps, les femmes n'avaient pas d'âme. Les papes le disaient. Et ils recevaient leur information directe de Dieu. Subitement, les papes ont décidé que les femmes avaient probablement des âmes. Et les papes le savaient. Ils recevaient leur information directement de Dieu. C'est pas moi, là. Prête. Prête-moi bon de même, quand tu dis ça. Et à un moment donné, progressivement... J'ai jamais dit ça, moi. Il y a des choses que tu te rappelles pas, en tout cas. Bon. Ouais. Et progressivement, eh bien, la femme, le bonhomme, on parle de la femme présentement, disons, dans le contexte de l'émancipation, elle va finir par l'exprimer à un point tel que d'autres femmes vont commencer à vivre le même contact. Et plus il y aura de femmes et plus il y aura d'hommes qui seront leurs alliés, il n'y en a pas autant qu'il y avait de femmes, évidemment, le Dieu qui a constitué ce peuple-là commence à t'informer. Et progressivement, étant donné qu'un dieu astral est mémoriel, il finit par avoir l'expérience de la chose, la tradition peut commencer à être changée, et là, elle va commencer à changer les âmes. Les âmes de ceux qui viennent au monde en premier. Et c'est pourquoi c'est la génération suivante qui, normalement, va mettre le feu aux poudres, alors que la génération d'avant a souffert silencieusement de la mécanique. Et là, les âmes qui naissent sont informées de la nouvelle mécanique, puis là, on ne peut plus. L'intelligence peut donc passer plus puissamment pour transformer la conscience de la femme parce que l'âme lutte moins et résiste moins. Comment on réveille le Dieu caché chez nous? Il faut donc qu'on parle, en termes de parole, du concept de Dieu. Qu'est-ce que c'est pour moi que le Dieu caché chez l'humain? C'est une mécanique, que je ne dis pas un être. C'est une mécanique complexe parce que l'être inclut le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental, le phénomène christique, donc le corps supramental, le phénomène de gratuité, donc on parle, disons, du plan de l'amour ou du plan bouddhique, et le phénomène de l'intentionnalité, certains appelleront ça le plan divin, plan créateur. C'est une mécanique, le concept de Dieu pour moi, c'est une mécanique énergétique, instantanée, non colorée, donc qui ne peut pas être influencée par l'opinion d'un événement, d'une humanité, d'une race ou d'un individu. Et c'est un phénomène instantané, cela veut dire qu'il n'a pas de mémoire. S'il n'a pas de mémoire, c'est qu'il ne se rappelle pas. S'il ne se rappelle pas, c'est qu'il ne pardonne pas, parce qu'il n'a jamais rien à pardonner. C'est une mécanique instantanée qui nécessairement ne peut pas demander à l'humain de l'alimenter. Toutes les structures alimentatrices de l'homme, de la femme ou de l'enfant sont des structures alimentatrices mémorielles. Je regrette d'avoir mémoire. Je te remercie de mémoire. Quand je parle de Dieu caché en l'humain, c'est une mécanique, c'est une eau, une source vive d'énergie, capable d'alimenter la conscience des êtres ascendants en fonction et au rythme de leur ascension. Nécessairement, un ego ne peut communiquer avec ce Dieu. L'ego qui dit « Oui, mais moi, là, j'aimerais savoir pourquoi je suis sur la Terre. » La partie divine énergétique qui serait chez toi pourrait va te dire probablement ou va communiquer, dépendamment de la puissance de l'expression de ton ego, « Écoute, mange mieux. » Oui, mais même si je mange mieux, ça va me mener où? C'est pas de tes affaires, que le mien m'aurait répondu. Ouais. Non, mais il te connaît, toi. Oui. Il sait comment il faut qu'il te parle. Moi, j'ai des exemples. Mange mieux. Sois plus calme. Ça, ils sont en colère. Mais ça me mène où? Quand on parle des religions, les religions parlent des sept péchés capitaux. Je connais quelqu'un qui s'appelle Capitaux, mais c'est pas les sept péchés de Capitaux. Les sept péchés capitaux. Les principaux péchés. Elles restent, toutes ces choses-là restent valables, mais pas émotivement. L'humain ne doit pas s'efforcer d'être un colérique contrôlé. L'humain doit parvenir à ne plus sentir la colère chez lui. L'humain ne doit pas s'efforcer d'être un avare qui partage, un avaricieux qui donne. L'humain doit finir par comprendre que l'énergie ne lui appartient pas. Pas en tant qu'âme, pas en tant qu'astralité, pas en tant qu'habitant planétaire. Pas en tant que mortel. C'est ma montagne, je l'ai achetée. Ça fait 4 milliards d'années qu'elle est là. T'es un beau niaiseux, franchement, ta montagne. Elle a dû rire en tabarouette, oui. Elle va dire, c'est le 800 millième propriétaire qui vient se larguer de m'avoir acheté. Regarde bien ça, dans une dizaine de printemps, elle sera plus là. Je vais être mort, enterré dans la montagne, me digérer, moi. T'sais, l'humain, il faut que l'humain comprenne. Mais l'humain ne peut pas comprendre égoïquement parce que l'humain a tellement peur que lorsqu'il se pointe astralement sur la planète Terre, il veut tout posséder pour se sécuriser. Il veut posséder une place dans le ciel. Il va même servir Dieu pour avoir une place dans le ciel. « Oh, faut que je donne pour gagner mon ciel. Ah, » Je vais donner. Égoïste, hypocrite, puis sans cœur. Si tu penses à gâter, ça n'a rien à voir. Tu n'es pas dans une mécanique d'esthétisme ou d'intelligence. Pour réveiller le Dieu caché en soi, ce que l'on doit faire, c'est très simple. C'est toujours très simple, d'ailleurs. Très, très, très simple. Ça se fait pas comme ça. Mais c'est très simple à dire. C'est facile. C'est facile, ça se fait pas. Oui, mais c'est parce que... Mais avant de le réveiller, tantôt... Oui. Parce que, tandis qu'il dort, tantôt, tu disais que si l'intelligence... Il a raison, hein? Parce que quand on commence à le réveiller... Oui. Si vous le réveillez, vous allez devoir vous réveiller vous aussi. Parce que faites-lui confiance qu'il va vous brasser la cage, il va vous réveiller, oui. Fait que avant de le réveiller, oui... Tantôt, tu disais que si l'intelligence descend dans un corps physique, ou si elle avait descendu historiquement, ça pourrait faire sauter le corps physique, parce qu'on ne serait pas capable de supporter cette énergie. Et c'est ce qui arrive encore chez certaines personnes qui évoluent trop vite. Bon, ça fait que faut peut-être pas tout de suite apprendre à le réveiller, ou faut savoir ce qui va se passer quand il va se réveiller. Il va s'étirer. Hein? Quand on se réveille, c'est bon de s'étirer. Alors, le Dieu qui dort va s'étirer. Il va prendre la place dans ta conscience. Il va étirer la conscience en même temps. C'est évident que c'est dangereux pour l'ego. Comprenons ceci. Bon, tu as brillamment raison de poser la question comme ça. Juste qu'on comprenne l'idée, l'intelligence descend à travers votre conscience, votre intuition souvent qui a raison, qui voit juste. Et souvent, je dis aux personnes qui me posent des questions, vous le savez. Puis en même temps, on ne le sait pas. Mais souvent, on sait qu'on le sait, mais on ne le sait pas. Votre âme ne le sait pas et elle ne le saura pas tant que votre conscience ne l'aura pas exprimé. L'âme est expérientielle, donc ne sait que par expérience, essai et erreur. Elle doit vivre dans le temps. Votre conscience instantanée, non. Vous le savez, vous le savez, vous ne l'avez pas écrit, vous ne l'avez pas dit, puis vous ne le savez plus. C'est de la spontanéité. Ça ne se mémorise pas, ce n'est pas exprimé. L'intelligence descend chez l'homme, chez la femme et chez l'enfant. Et là, ça crée une forme d'obligation d'avancer, une recherche. Ça crée une forme de douleur au niveau de l'âme. Il y a un inconfort dans la vie. Cet inconfort va s'exprimer à travers différentes mécaniques. On va chialer, on va vouloir changer les choses, on va utopiser, on va espérer, on va bâtir. Et cette expression-là n'amènera pas votre vie à s'améliorer dans la majorité des cas. Ça va vous amener à souffrir un peu plus, et on appelle cela la désillusion des dieux. Ça vous amène à l'écœurement de l'écœurement progressivement. Et c'est ce qui va déconnecter l'ajusteur de pensée du canal réincarnationnel, qui nous amène à nous relier à notre dieu astral, et ça va nous permettre de nous connecter sur notre propre intelligence, donc sur le dieu caché en nous. Mais parce qu'on rayonne la mécanique, parce qu'on trouve que telle chose est idiot, parce que, etc., on est mal, on est inconfortable dans notre vie, dans notre conscience, le rayonnement va maintenant instruire le monde de la mort, donc les dieux. Et lorsqu'on l'aura fait suffisamment, le dieu va commencer à changer. Et dans ce qui se réincarne 24 heures sur 24 chez nous, et dans ce qui va constituer les âmes des prochains qui vont naître, nous allons maintenant avoir une autorisation divine astrale. Donc notre médiocrisme va progressivement être atténué pour nous permettre d'accepter vos âmes, votre psychologie va vous autoriser à un changement. Mais cette mécanique, elle est longue. Parce que l'être humain, il ne sait pas, au cours de votre vie, finalement, vous avez attendu des fois des années avant de vous autoriser à être quelqu'un d'autre. Et il y en a qui attendent encore. Et oui, mais moi, je ne suis peut-être pas fait pour ça. Puis je connais des personnes qui, après avoir suivi certains séminaires, peuvent commencer à travailler. Ce sont des emplois où ils travaillent par leur bouche, donc par la parole. Ils peuvent donner des cours ou faire des conférences. Dans les milieux d'affaires, et ils sont fin prêts. Ils n'y arrivent pas. Tout est parfait. L'onde de forme, tout est parfait. Et j'ai beau leur dire, écoute, si tu vas devant quelqu'un, il sait pas que tu es un petit. Alors, tant qu'à y aller, puis joue le jeu du grand. Lui va te croire. Parce qu'en réalité, c'est même pas de jouer un jeu. Non, tu es un grand. À l'ego, il faut que tu fasses croire que c'est un jeu. Alors, ce qui arrive, c'est que l'astral autour de toi n'est pas prêt encore à te reconnaître à ta valeur. Et nécessairement, quand ça va être prêt, lui va instruire ton ego que maintenant, tu peux t'autoriser à y aller. Puis après ça, tu vas y aller. Après deux, trois expériences, tu vas revenir en disant, c'est vrai que ça marche. Là, j'ai pris de la rassurance. Là, je suis rassuré. J'ai pris de l'assurance. C'est pas ça que tu as pris. C'est que l'autre en haut, il est convaincu que tu es. Puis il vient d'instruire ton ego que tu pouvais. Maintenant, il vous autorise à changer. Et maintenant, c'est fait. Mais c'est long. Réveiller le Dieu en soi, ça veut simplement dire autoriser. Il y a des mécaniques qu'on devra appliquer. Ça veut dire autoriser votre intuition et votre intelligence, et puis vous en avez tous, une supra-intelligence, au-delà de l'intellectuance, au-delà de la mémoire. Et ça, on n'est pas diplômé pour être intelligent. On l'est. On n'est pas diplômé non plus pour être puissant. On l'est. On apprend à avoir du pouvoir. On apprend à dominer autrui. On apprend à ces choses-là. C'est au niveau de l'ego. Mais on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être anégoïsé, d'une humilité humble. Et on l'est. C'est très espagnol comme évolution, mais quand même. Bon, on l'est. On l'est. Et on l'est. Voilà. Réussite. L'humain, quand les gens font le séminaire, la majorité des choses que j'ai à leur dire au départ, bon, c'est facile, tu vois par l'ajusteur de pensée, tu rentres, tu vois immédiatement leur structure égoïque. Première chose souvent que j'ai à dire aux personnes au départ, ça va être « toi, il y a telle chose qui te barre, ça fait trois mots que tu dis, ça fait trois fois que tu parles contre toi, tu te détruis. Telle autre personne là-bas, tu finques, t'es niaisé, tu passes ton temps à rire de toi dans tout ce que tu fais dans ta vie. Tu as tellement peur de t'afficher comme tu es que tu passes ton temps à t'afficher comme t'es pas. Tu as tellement pris d'expérience à jouer ce que t'es pas que tu penses que t'es ça. Toi là-bas, puis on y va. Les personnes, c'est important au départ de toute façon d'ajuster les choses parce que c'est pas avec des égos qu'on fait le séminaire, c'est avec des êtres humains intelligents. Et c'est tellement rapide de voir l'intelligence que chez lui-même. Réveiller le Dieu en soi veut simplement dire, de base, puis c'est, je répète encore, c'est très simple. Mais très souvent, pour l'humain, la simplicité, c'est trop simple. C'est quétaine. Hein? On peut vous demander, par exemple, 20 000 $, vous mettre dans un séminaire pendant 6 ans, puis après, vous allez comprendre exactement ce que je vais vous dire ce soir. Mais là, ça a de la valeur. Ouais. Ça a 20 000 $ de valeur plus 6 ans de votre vie. Quand on le donne comme ça, ça a vraiment de la valeur. C'est un peu comme quand vous n'aurez plus dedans, là, après ça, on vous dira, écoute, j'ai ce qu'il faut pour vous en faire pousser d'autres. Mais vous allez devoir les brosser. La majorité vont être d'accord avec les brosser. Là, ça a de la valeur. Et quand on a toutes nos dents, puis on vous dit, brossez-les, ça n'a jamais de valeur. Ça, c'est l'astral. Vos âmes, vos psychologies fonctionnent par expérience. C'est parce que les... Quand on ne l'a pas expérimenté, ben, on n'y croit pas. Les dieux et l'ego n'ont pas intérêt à ce qu'on découvre. Les dieux astral. Non. L'être humain qui devient son propre dieu, son propre maître, son seul maître, contrôleur à bord de son corps physique et de sa vie, ne nourrit plus les dieux du monde de la mort. Il va se servir des dieux du monde de la mort. Il va simplement accomplir ce que le Nazaréen a dit à un moment donné. Pendant que tout le monde place ses trésors dans le ciel, ça en fait des trésors là-dedans. Le Nazaréen, il a expliqué à l'humain comment les déposer. Il n'aura jamais dit comment aller faire des retraits. C'est logique. Pourquoi? Parce que si l'ego fait un retrait, l'énergie est continuellement perdue. Il y en a dans le monde de la mort de l'énergie. Les dieux en sont constitués, leur banque est pleine et tout ça vous appartient. La seule chose qu'il y a, c'est que l'humain doit nécessairement parvenir à se désassujettir de celui qui est le client à quatre pattes, médiocre, qui va de temps en temps quêter pour emprunter une scène, la guérison par exemple d'une maladie, alors que de génération en génération, ils ont adoré ce dieu-là. Lui, il doit à l'homme. L'énergie divine, donc le dieu caché chez l'humain, il est là, il est présent. Les humains, ils l'ont tous. Pour le réveiller, il faut absolument que l'humain, premièrement, on a vu plusieurs lois dans différentes conférences. Quand on parlait de lois, on a expliqué c'était quoi, ce sont des mécaniques. L'humain doit faire ces choses-là. La première chose que l'homme, la femme ou l'enfant doit faire, c'est de cesser de se considérer comme étant médiocre. Alors, on pourrait même dire, on va faire et ça fonctionne, mais il y a des risques. Le risque, ce n'est pas que vous perdiez vos lunettes ou votre dentier. Le risque, c'est qu'on finisse par se prendre au sérieux dans le jeu. Regardez ceci. Vous n'êtes pas croyant, vous allez dans une église, vous allez à la confession, vous vous confessez, puis vous ressortez. Vous allez être allégé. Karmiquement, vous allez être soulagé. Si vous ne comprenez pas la mécanique, vous allez finir par être assujetti à la religion. Vous allez vous dire, crime, je devrais y aller plus souvent, je devrais pratiquer, la religion est bonne, ce Dieu-là, il m'aide. Si on comprend la mécanique, on va là. Le prêtre, lui, accepte de prendre notre karma et le répartit sur les milliers de fidèles. Comme tu n'es pas dans la religion, toi, tu ne reçois pas le karma des autres fidèles. Alors, toi, tu es beaucoup plus libre que tous ceux qui pratiquent la religion. C'est pas bête, ça. Non. Mais là, on parle de comprendre la mécanique des sphères astrales. Bon. Mais tu es sûr qu'il n'y a pas de retour karmique là-dessus? Non. Si tu sors de l'église en disant, les élus, oui, c'est prévu. Okay. Fait qu'il ne faut pas rire. Non, il faut que quand tu sors du confessionnal, que tu aies déjà oublié que tu es allé te confesser. OK. Je me rappelle même plus de quoi on parlait. Continue. Moi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font là dans mon salon, ça? Bon. L'être humain doit comprendre ceci. On a vu, l'intelligence descend, elle vient créer un inconfort dans la vie. L'inconfort crée une forme de radiation, donc un rayonnement, qui informe les souches astrales divines auxquelles on est relié. Et ces souches-là vont venir informer notre ego, donc l'âme, progressivement. Et maintenant, l'âme va nous autoriser à être ce que nous sommes depuis 3 mois, 6 mois, 6 ans, 20 ans, 40 ans. Puis là, il faut faire attention pour ne pas passer d'être un médiocre à quelqu'un. Parce que si on veut être humble... Non, mais là, j'ai expliqué comment et pourquoi il faut faire attention à ce que je veux dire. OK. Ben, c'est moi le télépathe, mais il faut le dire quand même. Okay. C'est sur la cassette, c'est pas enregistré. Bon. Ça l'est peut-être, mais les lecteurs ne sont pas encore assez bons. Ce que l'humain peut faire, et c'est ce que moi j'appelle instruire son ego, c'est la meilleure façon de réveiller le Dieu caché en soi. Ça veut dire, premièrement, être capable mentalement d'accepter l'idée qu'on est son maître. Mais étant donné que le mental ainsi que l'ego a besoin d'informations, même si on est son seul maître, ça ne nous empêche pas d'aller chercher de l'information, de lire, d'écouter, de jaser, discuter et de vivre des expériences dans la vie. Informer son ego, instruire son ego veut dire que progressivement, on devra débrancher l'ego, et ça se fait à la longue, par l'instruction, on devra débrancher l'ego de l'écoute qu'il a du Dieu dans l'astral pour le brancher sur une écoute de notre mental, c'est-à-dire du meilleur médiateur de l'esprit dans l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais dire à mon ego, écoute mon petit ego, tu continues toujours à battre tes enfants à coups de bâton, mais moi je sais que ce n'est pas correct. Tu devrais cesser de le faire. Intuitivement, je sais que ce n'est pas correct, alors à un moment donné, je le phraséologie, je le dis. Écoute, Daniel, cesse de battre tes enfants à coups de bâton. C'est pas correct. Pas dans ma tête, je le parle. Les 15 enfants sont pas là, parce qu'ils comprendront pas pour ça qu'on va construire taper. Bon. Parce que je dois laisser le temps à mon ego d'apprendre. L'humain va dire c'est du positivisme. Non. Le positivisme, c'est la même maladie que le négativisme, sauf qu'elle est meilleure. Le négativiste, on voit tout négativement. Le positiviste, on voit tout positivement. Puis le réaliste, on voit tout comme que c'est. On doit être réaliste. Sauf que là, je m'instruis. J'ai l'intuition que je devrais cesser de chialer lorsque mes journées de ski sont à l'eau. Parce qu'il pleut. À moins que tu fasses du ski aquatique. Bon, évidemment. Mais à 2 degrés... J'ai l'intuition que je perds ma vie comme ça. Je perds de l'énergie. Je me brûle par les deux bouts au feu de la vie. Pas ça la vie. Je ne vis pas sérieusement, je me prends trop au sérieux dans la vie. La moindre petite affaire, j'ai l'intuition. Alors maintenant, je peux intelligencer, comme on parlait à un moment donné, et je peux que directement instruire mon ego. Écoute, là, tu chiales encore, là, ça sert à rien de chialer. Ouais, c'est bien, mais au moins ça me défoule. Ouais, ça te défoule, mais ça sert à rien, ça sert à rien. J'instruis mon ego. L'avantage qu'il va y avoir, c'est qu'au lieu de devoir rayonner mon inconfort pendant des années, en attendant que l'autre ait compris pour commencer à venir informer mon ego, directement je reçois mon intuition, elle est mentalisable, et immédiatement, au lieu de me servir de ma mentalisation pour souffrir, pour m'écœurer, pour être inconfortable, oui, mais ça n'a pas d'allure ça, ma mentalisation me nuit. Là, je rayonne pour que le monde de la mort le sache, pour qu'eux instruisent mon ego, pour que progressivement je devienne confortable. Mais là, ce que je vais faire, ça n'a pas d'allure ça, puis chioler non plus, puis cesse donc de chioler. Là, je me parle, je suis mon maître. Quand on parle de maître, vous êtes celui qui allez vous instruire au maximum. Et là, l'ego va dire, oui, mais tu sais, je sais pas tout. On doit apprendre à discerner. Oui, j'ai eu raison de taper dedans. Mais je suis sûr que d'autres façons, j'aurais probablement pu faire différemment. Là, c'est deux individus qui viennent de parler. On doit apprendre à discerner. Mon ego vient de crier, mon mental vient de parler. Parce que les deux parlent avec le mot « je », on pense que c'est la même chose. C'est très simple encore, c'est une question que je pose souvent à ceux qui font le séminaire dans différents ordres, mais la question est extrêmement banale comme ça. Est-ce que vous fumez? Oui. Est-ce que c'est intelligent de fumer? Non. Êtes-vous intelligent? Et que je l'aie, cette question-là. Prends un autre exemple. Ah, il fume. Est-ce que vous battez vos femmes? Mais là, tu vas dire non. Moi, je peux dire, ben, ma femme m'a pas. Mais je vais poser la question. Est-ce que tu fumes? Oui. Est-ce que c'est intelligent de fumer? Non. Est-ce que tu es intelligent? Oui. Voilà. Et l'humain. J'ai bizarre à dire oui. Oui, parce que c'est l'ego qui veut répondre. L'ego, en psychologie, c'est ce qu'on va dire. Écoutez, pourquoi vous avez battu votre femme ou votre mari? Es-tu intelligent? La personne n'est pas pour dire non, parce qu'elle pense que si elle dit non, elle n'est pas intelligente. Si elle dit oui, ça dit justement, non, ce n'est pas intelligent. C'est une preuve d'intelligence. Et là, le psychologue ou le psychiatre, il ne comprend pas la mécanique humaine, c'est pas connu encore sur le plan planétaire, ça va être, pourquoi vous l'avez fait d'abord si ce n'était pas intelligent? Torieux, on est manipulé. Il y a mon ego, il l'a fait, il est fait à l'os. Moi, tu me poses ma question présentement, je suis revenu sur moi, je suis moi présent. Non, ce n'est pas intelligent ce qui s'est fait. Disons ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas fait. Mais si vous lui dites ce que mon ego a fait faire à mon corps physique, etc., il va vous donner des aldoles. Bon. Alors, non, c'est pas intelligent ce que j'ai fait. Pourquoi tu l'as fait? Je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai. L'humain doit discerner entre les deux « je ». Bon. Alors, la meilleure façon de réveiller le Dieu caché, c'est de se parler. Mais là, on parle d'une parole qui n'est pas dans la tête parce que c'est frauduleusement trop remplacé par la pensée. Et quand on pense, c'est les manipulations astrales qui viennent penser. Et ça, clarifions-le. Encore une fois, quand vous vous couchez le soir, c'est pour dormir. Ça pense dans votre tête. Cessez de penser, vous allez dormir. Vous n'êtes pas capable, c'est pas vous qui pensez. On vous fait croire que vous pensez parce qu'on pense avec le mot « moi » et le mot « je ». Quand vous vous couchez le soir, parlez dans votre tête. Contez-vous une histoire et décidez, tiens, j'arrête. Vous allez voir, ça va arrêter. C'est vous qui parlez. C'est pas vous qui pensez. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important pour que l'humain réveille le Dieu caché chez lui, qu'il le fasse par la parole. Alors, je me parle, je ne me chiale, je ne me punis pas. Faites attention, jouez pas le jeu de la tradition astrale du père ou de la mère ou du Dieu qui chicane son enfant. C'est pas ça. Jouez, tant qu'à jouer astralement, jouez au moins le maître qui amène l'individu à sa vraie maison de sagesse, pas à celle du collectif. Alors, ça va être... Bon, je viens encore de faire une connerie. L'ego, petit ego, ou encore, nommez votre nom, parce que votre nom, c'est pas votre vrai nom. C'est le nom de votre ego. C'est le nom que les parents vous ont donné, puis souvent, c'est relié aux mécaniques astrales réincarnationnelles. D'ailleurs, sur votre baptistère, les hommes, c'est écrit Joseph, etc., les noms catholiques, et la femme, Marie, etc., parce qu'on tient à vous relier là, de façon à ce que toutes vos énergies émotives nourrissent le bon Dieu. Maintenant, alors donc, ce serait, bon, Daniel, écoute, là... Grouille-toi un peu, tu es encore en retard, tu es toujours en retard, c'est pas correct d'être en retard. Oui, mais peut-être que traditionnellement, chez vous, votre ego se sent, doit, peut-être qu'il se punit, peut-être qu'il réincarne du japonais, hein, il se fait acquérir tout bout de champ. Donc, continuellement, on a des égos qui allons nous punir, qui allons nous restreindre, qui allons nous limiter. Je connais des gens qui sont toujours en retard. Je marche sur le trottoir avec eux, ils sont un pas en arrière. Je ralentis, ralentis, j'accélère, ils accélèrent, un pas en arrière. Ça manque pas. On est quatre. T'es en arrière, l'autre. Tu viens donc avec nous autres. On fait une réunion, on s'assoit. Il y a de la place pour lui. En arrière, ou sous le coin là-bas, ou assis à terre là-bas, même s'il y a une chaise. Toujours plus petit que tout le monde. Mais lui, il serait temps, à un moment donné, pas qu'il voit un psychologue, qui réveille le Dieu caché chez lui. C'est un être humain, ça. C'est pas de la viande, de la chair, puis un petit. Il exprime le petit, parce que ce qu'on a placé dedans pour animer sa vie, tant que le Dieu peut réveiller, c'est quelque chose qui anime un petit. Puis à un moment donné, c'est écoute, là, qu'est-ce que je fais encore assis en arrière de tout le monde? C'est pas de dire, je mérite la même place que les autres. Non. C'est pas ça. On n'est pas en compétition. Ça serait de l'ego encore. C'est là le piège, se prendre au sérieux là-dedans. Je suis pas en compétition avec tout le monde. Je m'assois sur une chaise, moi aussi. Je suis plus confortable sur une chaise. Non, je suis plus confortable à terre. Parfait, je reste à terre. Mais maintenant, je sais que c'est moi qui décide de rester à terre. C'est bien différent. Mais la personne le sait. Et toujours en arrière, toujours en retard, écoute, il faut que tu arrives à l'heure aujourd'hui. Fait que lève-toi donc. L'ego veut pas. Devenez votre maître, parlez-lui. Écoute, Daniel, tu dois te lever, lève-toi, lève une main, bouge une main. Tu vois qu'elle bougera pas la main. L'ego contrôle. Bouge la main, fais un effort, bouge-la, parlez-vous. Et vous allez voir que ça demande pas beaucoup d'énergie de vous parler, mais souvent les personnes vont dire, ouais, mais regarde, ça fait deux semaines que je me parle, puis j'arrive pas plus à me lever. Un instant. Ça fait deux semaines que je me parle, puis tout le monde me regarde à travers dans le bureau. Oui, mais je t'avais dit de ne pas parler devant le monde. Bon. Si tu appliques ce que je dis, au moins applique-le bien. Bon. Là, ce qui va arriver, la personne, ce qu'il faut lui dire, il faut comprendre la mécanique de l'ego. Vous êtes en train d'instruire votre ego, qui est un bloc de mémoire, un bloc de rituel, un bloc d'habitude, un bloc de tradition. Je ne dis pas que parce que tu dis à ton ego, bon, écoute, lève-toi un matin, qu'il va se lever. Fais-lui confiance, il est pesant, il va rester couché. Son inertie est grande. Non, mais à la longue, répétez-le. En réalité, c'est pas vrai. Prononcez-le chaque fois. Puis, à un moment donné, deux semaines, trois semaines, un mois, et subitement, vous allez commencer à être capable de vous lever. Votre ego va maintenant être prêt à vous autoriser à vous lever avec bonheur. Prenez prendre cet exemple-là. Mais quand je dis qu'on doit continuer, c'est qu'on doit reprogrammer l'ego. Mais pas par la vie, pas par l'écœurement. Moi, je suis réellement... promoteur d'une évolution amusante et plaisante. Alors que toutes les traditions ont toujours promu des évolutions souffrantes. Le martyr, la punition, repens-toi, Dieu te met à l'épreuve. Ah, puis il y en a plein, Même au niveau du plan supramental, il y a des MTS, des martyrs de la transition supramentale. Puis il y a plein de phénomènes comme ça où l'humain doit arriver à l'écœurement de l'écœurement pour que l'ajusteur se débloque, c'est vrai. C'est pas nécessaire. C'est le seul chemin suivi à date par l'humain. C'est pas nécessaire. Alors, si l'humain arrive à réveiller le Dieu en lui par la seule voie applicable présentement d'une façon facile, Mais encore une fois, plus on est patient, plus ça va vite. Parce que plus vous êtes patient, moins vous avez d'ego. Hey, plus ça va aller vite. Plus on est impatient, plus c'est long. Hey, plus on est impatient, plus on a d'ego. Hey, plus ça va être long. L'individu, ça serait par exemple la boisson, l'alcool, le chiolage, le n'importe quoi. C'est pas correct. C'est pas correct ce que je fais, c'est pas correct ce que tu fais, Daniel. Arrête donc un peu. Tu perds du temps, tu perds d'énergie. Ce que tu veux dans ta vie, là, tu l'empêches. Alors lâche-moi donc un peu pour aller le chercher ensemble. C'est pas du positivisme, bien différent. Là, si tu deviens ton maître et tu t'instruis, pas besoin de quelqu'un pour vous dire, écoute, t'es quelqu'un dans la vie, t'es capable de le faire. C'est pas ça. Je suis quelqu'un dans la vie. C'est pas ça l'idée. Je suis pas collectif. Mais effectivement, c'est logique que je le fasse. J'en ai besoin. Je vois pas pourquoi que je serais toujours empêché de le faire. Écoute, là, le petit cave en dedans. Le cave, c'est un résumé du corps, de l'astral, du vital et de l'ego. Bon, cave. Écoute, le cave en dedans. Il serait temps que tu te grouilles un peu. Lève-toi donc. Et arrangez-vous, les dangers. Arrangez-vous pour ne jamais détester le cave. Parce que si vous détestez votre ego, sachez une chose, le mental ne déteste pas. Votre ego se déteste. Et ça, c'est dangereux parce que là, il va engendrer une nouvelle forme de médiocrisme, une culpabilité qui progressivement va encore gruger vos énergies. S'il y a de l'émotion, quelle qu'elle soit, ça peut être de la haine ou de l'amour, tu peux pas non plus tomber en amour avec le Dieu qui est en dedans parce que ça, non, le mental n'est pas émotif. Même chose. Alors, ce qui met aussi, c'est donc le deuxième point, ne pas tomber en amour ou en adoration avec le Dieu qui se réveille. Puis le troisième point, c'est de ne pas obliger autrui. Devenez votre seul maître, devenez pas le maître des autres. Ça, c'est radicalement important. Écoute, Daniel, devrait t'élever, là? Bon, tu te lèves. Écoute, Charles, devrait t'élever, nous aussi, là? Danger. Maudit danger. C'est important qu'on le précise, parce que c'est pas long qu'à un moment donné, celui qui commence à changer, il décide subitement qu'il fait le ménage de sa chambre ou de la maison, il faut que tout le monde embarque. C'est pas ça. Là, de la puissance que vous avez, vous la transmuez en pouvoir. Vous voulez dominer. Vous êtes encore en train de vous faire récupérer par le jeu des traditions. Non. On est son seul maître. Être son seul maître ne veut pas dire être le maître d'autrui, ça ne veut rien dire de ça. Je suis mon seul maître. Moi, je peux dire, écoute, Charles, peux-tu me forcer le matin pour que je me lève? Pas ton ego, là. Toi, Charles, peux-tu m'aider le matin à me dynamiser? Charles, il dit « OK, parfait ». Puis il me dit « Je vais être sur ton dos ». Je peux t'aider en autant que c'est pas de bonheur. Alors, ce qui va arriver, bien, à un moment donné, il vient puis il me dit « Écoute, Daniel, lève-toi ». Là, c'est correct, on a une entente. Mais vous devez faire attention parce que c'est pas long qu'on tient à ce qu'on rentre dans la tradition de conversion. Il faut convertir tout le monde. C'est pas ça l'idée. Et ton seul maître embarque là-dedans. Si tu dirais à quelqu'un, à un moment donné, « Écoute, es-tu heureux quand tu te lèves pas? » Non. Mais veux-tu que je t'explique comment tu pourrais faire pour arriver à t'aider? C'est bien différent. Bien, fais comme moi, ce que je fais, en tout cas, ce qui va bien, c'est ça. C'est que je me parle, puis je finis. Je me forme. Bon, je me forme. Puis là, tu lui expliques comment. La personne, elle fait ou elle fait pas, ça vous regarde pas, c'est son plan de vie, c'est son karma. Vous en avez en masse ses épaules, mettez-en pas plus. C'est important. Si on comprend les trois dangers, il y a des dangers bénins après, mais vous êtes suffisamment intelligent pour les voir au fur et à mesure que ça va arriver. C'est pas nécessaire qu'on dise tout. Moi, je vous fais confiance. Maintenant, plusieurs, instruisez-vous à vous faire confiance, vous aussi. On doit, donc, pour éveiller le Dieu caché en soi, puis on pourra peut-être, si on a le temps ou la deuxième partie, expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est ce Dieu-là, ou sa provenance, où ça va mener. Mais pour le faire, la chose que l'humain doit faire, puis l'humain est rendu à une étape d'évolution où il peut le faire. Vous savez, quand le Nazaréen a enseigné le Notre Père, Notre Père dans les cieux, on en a déjà parlé un peu, il ne parlait pas du ciel, il parlait des cieux. Les cieux, c'est le plan supramental, le plan bouddhique, puis le plan divin, donc ce qui est au-delà du monde de la mort, là où les dieux ne sont pas, les dieux sont dans le ciel. On parle des dieux astraux, évidemment. Il a enseigné le Notre Père, il donne un paquet de choses, et il finit avec le mot « Amen ». Le mot « Amen », traduit en français, veut dire « ainsi soit-il ». Et sachez-le, « ainsi soit-il » est un ordre. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une espérance, ce n'est pas une quête, une mendiance. Ainsi soit-il veut dire qu'il en soit ainsi. C'est un ordre. Ce n'est pas un espoir. Le Nazaréen ne l'explique pas parce qu'il le donne. Simplement, il a toujours dit que ceux qui ont des oreilles puissent en entendre. Les autres, ça leur fera pas mal. Bon. C'est la même chose. Tout ce qui est dans le monde de la mort et tout ce qui fait partie intégrale des énergies qui côtoient l'humain, doivent être contrôlés par l'homme, mais ils ne seront jamais contrôlés par son ego. L'ego n'a pas la puissance, l'ego a du pouvoir. Le pouvoir s'exprime dans l'astral. On ne contrôle pas l'astral en étant dedans. Quand l'humain est capable d'avoir une puissance mentale ou une puissance spiritique, donc une puissance christique, une puissance supramentale, il est extérieur. Il peut contrôler, il assujettit. Alors, il pourra, à un moment donné, prendre des énergies qui traînent un peu partout pour les restructurer en trucs intéressants, esthétiques, écologiques, conséquentiels, utiles. Quand on parle, c'est la même chose. Quand je parle à mon ego, c'est pas « j'aimerais donc ça si tu arrêterais de faire ça ». Ben, j'ai rien contre, c'est vrai, vous aimeriez ça. Félicitations. C'est bien beau, mais ça. Ah, oui, c'est bien grave. On ne reprogramme rien. On programme l'ego. On programme l'ego que vous aimeriez ça, que ça marche. Là, c'est deux parties d'ego qui se parlent. Dans ce exact. Tu peux en avoir trois ou quatre, demain, comme c'est plus un dialogue. Je ne veux plus que tu fasses ça. Ça nuit. Ça te nuit. Ça me nuit. Ça nous nuit. Oui, parce que l'ego est là-dedans. Si et quand je dis devenir instruire son ego, ça veut progressivement veut dire d'installer chez vous ce qui, dans l'avenir, va exister un peu partout sur la planète Terre, une religion mentale. La religion mentale, c'est une religion, j'ai souvent dit que, bon, un jour on en parlerait, on viendra là-dessus à un moment donné, un peu plus loin, mais la religion mentale qui va arriver dans les temps qui s'en viennent, donc dans quelques années, est la première religion qui va permettre à l'humain de se libérer d'elle. Toutes les autres religions assujettissent l'humain et le gardent assujetti. C'est, change pas de religion parce qu'on t'aimera pas. La religion mentale, c'est une religion qui se fait individuellement, donc il n'y a pas d'église. La religion mentale, c'est de forcer progressivement, d'habituer l'ego progressivement à se centrer sur un seul Dieu, vous. Et le Dieu va s'exprimer, va entrer en contact avec l'ego par une mécanique, le mental, d'où l'idée de religion mentale. Et progressivement, l'ego doit être en vénération avec votre énergie, votre puissance. De ce fait, il n'y aura plus. Mais encore une fois, il ne faut pas que l'ego soit en vénération avec lui-même. Pas ça. Si je rencontre un dieu mental, jamais il va me mettre antipathique. Jamais. C'est une personne qui va être capable d'être ajustée à n'importe qui n'aura pas besoin de convertir, qui répondra aux questions en fonction de ce qu'on va lui poser. C'est une personne qui sera nécessairement agréable, peut-être un peu difficile d'approche au départ parce que l'autorité qu'elle dégage peut faire peur à mon ego. Dans mon cas, non. Je parle d'une personne ordinaire. Donc, ça veut dire que progressivement, c'est, écoute, fais-moi donc confiance, t'as rien qu'à venir. Le gars là-bas qu'on veut rencontrer ou la fille, là, elle nous mangera pas, tu sais, il faut qu'on aille la rencontrer. C'est ça que je te promets. Depuis longtemps, tu veux la paix, tu l'auras. Viens avec moi. Et là, votre ego va cesser de vous nuire. Il va y aller avec vous. Vous allez voir, vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne transpirerez plus. C'est lui qui s'exprimait. Vous n'aurez pas plus peur, c'est lui qui s'exprimait. Oui, mais je sais pas quoi dire. L'intelligence supramentale, donc le Dieu caché en vous, c'est spontané. Ça va vous dire ce que vous devez savoir quand c'est le temps que vous le sachiez, en fonction de ce que vous avez le mieux besoin. Alors, ça va être parfait. Lentement, l'ego doit finir par placer ses énergies pour alimenter ton mental, donc pour nous grimper, nous, pour alimenter nos canaux, pour nous aider à nous centrer sur nous-mêmes. Il ne faut pas que l'ego soit continuellement un ennemi. Puis, progressivement, il va finir par être supramentalisé à son tour, ce qui va engendrer un double éthérique qui va de toute façon amener l'humain à une immortalité de conscience. La conférence est finie, hélas. Mais on fait une petite pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, les écrivez. Charles va les dire. Puis j'ai des petites choses que j'aimerais rajouter au début de la deuxième partie. Pas de talent.